je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground. Qui l'a déjà ? Rôle de jeu, ou pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue à Ludologie, Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons parler de jeu, bien évidemment, ainsi que d'écriture. Mais avant d'aborder le sujet du jour, je voudrais vous rappeler qu'on a l'épisode de Noël qui approche. Et donc, si vous voulez participer, nous dire pourquoi vous jouez, faut pas hésiter à nous contacter sur le Facebook, le Twitter ou par mail à ludologiepodcast@gmail.com. On sera très très heureux du coup de vous donner la parole pour une fois. Pour cet épisode, je suis avec l'une de nos nouvelles voix de la saison. Je suis donc avec Corentin. Salut. Et pour parler donc de jeu et écriture, plus spécifiquement jeu et écriture de l'imaginaire, nous avons invité Lionel Davoust aujourd'hui avec nous. Alors pour faire un peu l'historique, on est parti d'un constat entre les différents intervieweurs de Ludologie où on trouvait qu'il y avait quand même pas mal de liens entre le jeu sous toutes ses formes et la littérature de l'imaginaire. Notamment quand on voit les festivals de littérature, les utopiales, les imaginales, il y a des pôles ludiques. Et à force de traîner dans les librairies spécialisées imaginaires, je me suis rendu compte que beaucoup d'auteurs étaient des grands joueurs, des rôlistes, des joueurs de jeux vidéo, de jeux de plateau. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a eu envie de t'interviewer sur le sujet aujourd'hui. Donc, avant toute chose, je vais te laisser la parole pour te présenter. Bonjour, et puis merci à vous deux, à toute l'équipe de Ludologie de m'avoir invité à discuter avec vous, ça me fait très plaisir. Alors donc, mon nom est Lionel Davoust et j'ai fait pas mal de trucs dans la vie. À la base, je suis biologiste marin, mais voilà, je rêvais d'être commandant Cousteau, mais c'était déjà pris. Donc, mais j'avais toujours eu aussi envie d'écrire, et donc je me suis, voilà, une fois mon diplôme en poche, j'ai pris mes clics et mes claques, et je suis parti dans la littérature, la fleur au fusil, avec beaucoup de naïveté, avant de me rendre compte que c'était un petit peu plus compliqué que ce que j'avais pensé. Mais voilà, au terme de la première année à manger des pâtes un jour sur deux, je savais que c'était ça que je voulais faire, pour de vrai. Donc aujourd'hui, j'écris principalement, hein, c'est mon boulot principal, donc j'ai fait surtout... J'ai fait un peu de thriller, mais toujours en lien avec l'imaginaire. Je fais surtout de la fantasy, un peu mêlée de SF, enfin de l'imaginaire, un peu à la croisée des genres. Je travaille actuellement sur une série qui s'appelle Les Dieux Sauvages, et tout ça, c'est aux éditions Critiques, éditions rennaises. Et voilà, ça c'est à peu près la chose principale. Mais après, bon, j'ai fait pas mal de traductions. J'ai un peu participé à de l'écriture de jeux de rôle. J'ai joué énormément, beaucoup. Jusqu'à avoir des groupes plusieurs fois par semaine, jadis quand j'avais du temps. J'ai aussi un peu participé, j'ai un petit pied dans le jeu vidéo, j'avais fait la bande originale cette fois un sound design d'un jeu vidéo qui s'appelle toujours Psycho Starship Rampage, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans je crois, donc il y a un roguelike qui se joue comme un shooter. Comme mon dada depuis toujours, c'est d'essayer d'arriver à faire les choses mieux et moins douloureusement, je m'intéresse aussi beaucoup aux techniques de productivité, d'écriture aussi, parce que l'écriture c'est un art, mais c'est aussi une technique. C'est un truc qu'on a un petit peu du mal à assimiler et accepter en France, mais alors qu'on n'a pas de mal à assimiler que, par exemple, un peintre, s'il apprend les lois de la perspective, ça va pas forcément faire de lui un bon peintre, mais ça va peut-être lui éviter de faire des erreurs basiques. Ou alors, s'il contredit les règles, il sait pourquoi. Donc, l'écriture ne fait pas exception, même si c'est pas tellement ancré en France. Et donc, je m'intéresse pas mal à ça. Et avec Laurent Jeunefort et Mélanie Fazi, on a monté aussi un podcast qui s'appelle Procrastination, pour procrastiner utile. Qui est dans sa saison 3 et où on parle de techniques d'écriture, du monde de l'édition de manière générale. Voilà à peu près. Moi, je vais juste préciser, si jamais vous posez la question sur ce qu'écrit Lionel Davoust, alors il y a beaucoup de choses à lire. Moi, je vais conseiller ce que j'ai vraiment adoré. Il y a Port d'âme, qui est un roman absolument merveilleux. J'ai vraiment, vraiment adoré. Et j'ai beaucoup aimé aussi La Route de la Conquête, qui est un recueil de nouvelles. Et je mentionnerai particulièrement la première nouvelle avec la Généralissime, qui est un personnage que j'adore. Donc je vais laisser la parole à Corentin maintenant. Je confirme, La Route de la Conquête, c'est vraiment un recueil que j'ai adoré. On va peut-être partir sur une première question. On s'est demandé, en écrivant cet épisode, si pour toi, et en général, on pouvait trouver une dimension ludique à l'écriture. J'espère. Heureusement. C'est un peu tous les trucs qui me passent par la tête. Alors, j'ai quelques panneaux, par exemple, j'ai quelques panneaux au-dessus de mon bureau avec genre des maximes. Parce qu'il y a forcément, tu vois, il y en a toujours un peu la légende de l'auteur qui galère, qui rame, etc. Et elle n'est pas entièrement dénuée de fondement. Écrire, créer de manière générale, c'est aller créer quelque chose, par définition, aller là où t'es jamais allé. Tu défriches, t'as pris ta machette et tu tailles ta route à la forêt amazonienne et puis au bout d'un moment, assez vite, t'as mal au bras. Donc c'est la créativité par essence, c'est créer ce qui n'existe pas, donc forcément ça nécessite de l'effort, et parfois c'est difficile, et parfois tu te rends compte que tu as pris la mauvaise route, etc. Donc il peut y avoir un certain exercice de frustration aussi. Mais au cœur du truc, donc je disais, j'ai des maximes au-dessus de mon bureau pour me motiver quand j'ai envie de me mettre la tête dans le sable parce que ça fait pas ce que je veux, je sais pas très bien où je vais, et voilà. Et ça dit... Écrire, c'est marrant. Si c'est pas le cas, rends-le marrant. Et au cœur du truc, même si l'écriture peut être difficile, je pense qu'il doit toujours avoir un principe d'enthousiasme de base. Si t'es pas un tant soit peu motivé par ce que tu fais, ça veut pas dire que c'est pas forcément difficile, mais ça veut dire que tu dis « Ah, je galère, mais quelque part, je sais pourquoi je le fais. C'est parce que, même si là, c'est dur, je serai content quand je l'aurai fait parce que j'aurais quelque part, par exemple, résolu une énigme. » Pour moi, l'écriture, c'est il y a un côté, alors c'est rigolo parce que je déteste ça en termes de jeu, mais en termes de discipline de création, pour moi, c'est un petit peu, ça revient à assembler un puzzle, à résoudre une énigme. C'est peut-être pour ça que je le fais dans le boulot et que j'aime pas ça à côté. Il y a un côté, pour moi, la façon dont je le vois, écrire, c'est ordonner le chaos. Il y a plein de trucs dans ma tête qui s'entrechoquent et je sais qu'il y a une histoire qui est là, mais... pour dépasser le côté c'est rigolo, j'en parle le soir à mes copains et vous allez voir, ça va être trop génial, mais c'est facile de faire ça entre deux bières et en donnant trois phrases. Le faire vraiment pour que ça soit cohérent, que ça tienne debout, nécessite un travail d'ordonnancement qui est largement plus complexe et qui évidemment réserve son lot de surprises. Donc c'est pour moi, ouais, ça s'apparente vraiment beaucoup à un puzzle, à un travail d'ordonnancement du chaos. Et c'est la même joie que quand, je sais pas, je fais pas de mots croisés, mais j'imagine que c'est comme ça. Tu t'es galéré pendant des mois à essayer de trouver le mot, et d'un seul coup tu l'as, et il y a cette espèce de rush d'adrénaline de faire « oui, ça y est, j'ai trouvé, j'ai craqué la solution ». Donc il y a vraiment cette satisfaction-là. Et il y a aussi, donc ça c'est pour la processus d'écriture en soi, et puis bien sûr, comme on est dans la littérature de l'imaginaire, on a le côté tout ce qui est création d'univers en plus, qui soit très développé si on fait un monde de fantasy secondaire, ou si on change juste un truc dans notre monde par exemple. Il y a tout le côté démiurge, création, qui finalement rejoint peut-être un peu le côté assemblage de puzzle, parce que tu te dis... où t'as une envie, où t'as une vision. Tu te dis « Ah, j'ai envie d'avoir des dragons, parce que pourquoi ?» Ben, je sais pas, les dragons, c'est cool, donc j'ai envie d'avoir des dragons. Mais derrière, tu vas te dire « Bon, pour que ça tienne debout, comment ça va marcher ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est leur écologie ? Qu'est-ce qu'ils mangent ?» C'est l'ancien biologiste qui parle. « Qu'est-ce qu'ils mangent ? Où est-ce qu'ils vont vivre ? Comment ils cohabitent avec l'écosystème ? Quel écosystème est le plus favorable, etc. ?» Et à partir de ton envie vient... découle tout un tas de contraintes cachées, et ton boulot, c'est de les faire émerger. Et ça, c'est ludique aussi. C'est presque... Ça devient... Et c'est marrant, parce que je suis loin d'être le seul à avoir parlé à penser comme ça. Je parlais quasiment tous les auteurs avec qui j'en parle, on a le même feeling. C'est pas tellement un travail d'invention, c'est plus un travail d'archéologue. C'est t'as ton envie, t'as ton impulsion, et après, tu vas creuser dans le sable à la recherche de comment toutes ces pièces-là s'emboîtent et comment ça marche vraiment, cette impulsion que tu as. Et tu vas plus à la découverte qu'à l'invention. C'est plus un travail d'exploration, en fait, à mon sens. Et donc, ouais, c'est carrément ludique et c'est carrément jouissif quand ça marche bien et que t'es on fire et que c'est merveilleux et que les mots te coulent des doigts. Alors, ça se passe pas toujours comme ça, mais quand ça marche, c'est vraiment génial. Tu disais que tu es rôliste. Est-ce que ta pratique du jeu a nourri ta pratique de l'écriture ? Ah, oui et non. Alors, c'est toujours un peu casse-gueule de parler de jeu de rôle en rapport avec l'écriture. Parce que déjà, bon, le truc évident, c'est que, qui est évident, c'est une tarte à la crème, tous les arts narratifs ont leur propre grammaire, ont leur propre manière de faire les choses. Le truc le plus basique, c'est le cinéma peut raconter une histoire avec une image, ce que la littérature peut pas faire, parce que la littérature est un art linéaire où tu enchaînes les phrases qui vont composer petit à petit l'image. On n'a pas l'équivalent du travelling ou du panoramique dans la littérature. Tu peux l'émuler, mais ça sera jamais aussi immédiat. Par contre, la littérature peut faire des trucs comme dans SF, ça peut être vachement pratique. 15 millions d'années plus tard, après l'effondrement du Grand Empire Galactique, ça, au cinéma, ils vont devoir faire comment ? Ils vont devoir l'écrire à l'écran. Donc, le jeu de rôle et la littérature sont des arts narratifs, mais c'est toujours un petit peu casse-gueule de transcrire ou d'adapter l'un en l'autre, comme je pense qu'on l'a tous vécu en s'en rendant compte, où tu as vécu une super partie de jeu de rôle, tu vas raconter tout ça à tes potes qui te regardent au bout de 30 secondes avec l'air vitreux parce qu'il fallait être là, quoi. Et visiblement, tu t'en rends compte où tout le monde essaie de changer de sujet très vite. Je pense que ça nous est tous arrivé à un certain moment. Donc, les deux se nourrissent parce que je pense que pour moi, le truc le plus important, moi j'ai très peu joué, j'ai plus été MJ, donc j'ai plus construit, réagi, etc. Et ce que l'écriture, ce que ça a nourri pour moi dans l'écriture principalement, finalement c'est un peu la même chose que l'improvisation théâtrale, j'en ai fait aussi pendant 15 ans, c'est à chaque fois, c'est le côté, oulala, je suis arrivé dans une situation dont je ne sais absolument pas comment m'extirper, je vais trouver. Je vais trouver comment faire. Et ce qui est assez bonnard en écriture, c'est que, en fonction de ton délai, mais tu peux, voilà, t'es pas obligé de réagir là dans l'instant. Tu peux éventuellement dormir dessus et revenir demain. Si tu fais ça à tes joueurs, tu payes les pizzas. Donc, c'est vraiment le truc, cette confiance dans l'improvisation qui, même si moi j'ai tendance à planifier beaucoup les bouquins à l'avance, tous les auteurs sont pas comme ça, et les auteurs qui vraiment improvisent beaucoup, mais t'es forcé même en planifiant. À un moment, voilà, c'est une de mes citations favorites qui s'applique pour moi très bien à l'écriture, qui est de Von Moltke, qui disait « Aucun plan de bataille ne survit à sa rencontre avec l'ennemi ». Et quand t'écris, tu te rends compte que ton plan, finalement, il tient pas debout. Et voilà. Donc c'est vraiment cette capacité, cette confiance, en fait. L'écriture, pour moi, c'est vraiment beaucoup basé sur... et c'est un truc sur lequel on lutte, et je pense que c'est pour ça que les auteurs, ont tendance à procrastiner. C'est que tu luttes constamment contre ton doute de toi. Tu luttes constamment contre le... Alors, il y a des auteurs qui ne sont pas sujets à ça, et gloire à eux, et je les déteste, mais on est beaucoup d'auteurs. Hein. Quand on en discute, il y a un côté très anxiogène. Et le fait d'être professionnel, c'est d'arriver à vaincre l'angoisse tous les jours pour, malgré tout, arriver à sortir des mots sur la page. Et puis, tu te rencontres trois jours après en les relisant que finalement, c'était pas si mal. Et il faut juste réussir à faire ça de jour en jour, quoi. C'est juste cette ténacité pour moi qui sépare l'écrivain du dimanche, c'est-à-dire qui écrit juste le dimanche, et celui qui écrit tous les jours, même une phrase. Donc, vraiment, cette confiance en soi. Après, il y a des trucs qui sont... il y a aussi un truc qui me paraît intéressant quand t'écris, c'est ce que le jeu de rôle t'apprend assez vite, c'est que il n'y a pas un joueur qui va discuter, qui va pas discuter le bout de grain à un moment, qui va dire non mais ça marche pas ton truc, non mais attends, regarde, j'ai non mais le dé là, non mais le jet, tu vas me donner un modificateur, allez, soyez sympa. Donc cette espèce de discussion constante, les lecteurs ont tendance à se laisser beaucoup plus embarquer dans l'histoire, mais pas toujours. Et donc un des rôles principaux, ton rôle principal en tant qu'auteur, en fait, c'est ce que John Gardner appelle ne pas briser le rêve fictionnel. C'est tu crées un rêve dans ton histoire, et si à un moment ton lecteur il en sort, t'as pas fait ton boulot. Si à un moment le lecteur s'arrête et dit « Attends, mais comment ça marche ça ?» t'as commis le péché cardinal, t'as brisé le rêve. Donc, le fait d'avoir réussi à faire finalement de la prestidigitation constamment dans le jeu de rôle, où t'arrives à mener tes joueurs en bateau tout en leur mettant les indices en pleine face, et à la fin ils font « Ah, on s'est fait avoir !» mais ils sont ravis. Ça, c'est un truc qui est très précieux en écriture, parce que la narration, c'est toujours de la prestidigitation, c'est-à-dire que t'agites la main à ton public en disant « Regarde, comme c'est intéressant !» et en fait, tu sors le lapin de ton chapeau, mais tu l'as mis alors que t'as incité ton public à regarder ailleurs. Et l'écriture, c'est ça, et ça fait partie du jeu. On aime être... Enfin, moi, je sais que je connais pas des lecteurs qui apprécient pas, si t'as joué le jeu, de mettre les éléments là, de pas avoir une grosse révélation à la fin, c'est chouette. Donc c'est vraiment les trucs, les leçons, et je dirais le dernier truc, mais c'est probablement un peu secondaire par rapport aux deux points précédents, c'est arriver à bien avoir en tête forces et faiblesses d'un personnage. Ce qui est intéressant en jeu de rôle, c'est créer un personnage qui a des points de faiblesse, même si, comme c'est un jeu, forcément, on aime tous être un gros bill. Peut-être par cette référence, je donne une indication sur mon grand âge. Mais un personnage de fiction intéressant, justement, il a des faiblesses, il a des points forts. C'est un personnage qui est équilibré. Et le jeu de rôle, non, sans aller jusqu'au côté mécaniste de faire une fiche, mais le jeu de rôle te donne la discipline mentale. De façon assez automatique, de garder en tête ce à quoi machin est bon ou mauvais et comment il va procéder, parce que tout le monde ne résout pas les problèmes de la même manière. Donc ça donne une espèce de petite discipline mentale qui, je sais, pour moi, finalement, m'évite, même si je planifie énormément les bouquins, je fais très peu de fiches de personnages, en fait. C'est-à-dire de fiches, non pas au sens rôliste, mais je veux dire de d'historique, de descriptions très détaillées, ces choses-là se construisent par le confrontation de l'idée que j'ai du personnage au récit. Je vois comment il agit, je vois quels sont ses moyens d'action préférés, et ça se construit finalement très organiquement, et c'est quelque chose que le jeu de rôle m'a appris à garder en tête sans le noter, parce que j'ai géré notamment une grosse campagne de space opéra, on avait fait une centaine de scénars sur plusieurs années. Et voilà, il y avait tellement de monde, mais dans le feu de l'action, t'as pas le temps de prendre juste plus qu'une note, qu'un mot-clé, quand t'as créé un personnage qui est secondaire et finalement qui devient hyper important parce que les joueurs l'aiment bien, tu le gardes en tête. Et donc cette discipline-là, voilà, c'est le jeu de rôle qui me l'a apprise. Par rapport à cette idée sur les personnages, on s'était demandé, en jeu de rôle, il y a cette différence claire entre PJ et PNJ, le PJ, il échappe au contrôle du maître du jeu d'une certaine mesure. Et c'est un discours qu'on peut entendre souvent chez les auteurs, le fait que que j'ai déjà entendu, je sais pas si on peut l'entendre souvent, que les personnages peuvent échapper à l'auteur. Est-ce que toi, tu t'apporterais une similitude aux personnages en jeu de rôle et à ceux que tu écris? Quelque part, tout le monde est PJ ou tout le monde est PNJ, parce que par exemple, ça m'est arrivé en jeu de rôle d'avoir des PNJ qui m'échappaient totalement aussi, parce que ils étaient appréciés par les joueurs, parce que d'un seul coup je me rendais compte qu'ils avaient une place intéressante dans une intrigue, et alors que c'était juste un personnage que j'avais sorti de mon chapeau parce qu'il fallait quelqu'un à ce moment-là, quoi. Donc tu retrouves ce même genre de phénomène en écriture. Je pense en écriture, je pense que c'est dangereux de penser en termes de PJ-PNJ, parce que ça peut vouloir dire qu'il y a vraiment les personnages moteurs et actifs du récit, et ceux qui servent un peu plus au décor ou qui servent de soutien. Alors, il y a évidemment des rôles de soutien dans la narration romanesque, mais quelque part, pour qu'il y ait une forme de vie dans ton récit, il faut que tout le monde ait... Alors, je vais sortir un mot qui, en général, plaît bien aux théoriciens du jeu de rôle du XXIe siècle. Tous les personnages doivent avoir une agentivité. Eh oui, je l'ai dit. Mais mine de rien, c'est super important, et pour moi, il y a une... Alors, j'ai pas lu les bouquins, à ma grande honte, mais c'est sur ma liste, mais il y a une série en ce moment de SF qui, pour moi, fait ça très bien, c'est The Expanse, série de SF où, en fait, l'agentivité... Alors, tu pourrais presque dire, effectivement, que dans The Expanse, ouais, le cast des personnages de base, c'est le PJ, c'est les PJ. Et puis, t'as tout un tas de PNJ qui gravitent autour et qui peuvent mourir assez facilement, d'ailleurs. Donc, sur ce côté-là, la comparaison est pas bonne. Par contre, sur le respect de la gentilité, ouais, je trouve que The Expanse fait ça extrêmement bien. Où tu sens bien que l'auteur veut en venir à quelque part, que la gentilité, malgré tout, des personnages est très bien respectée, et ça va là où l'auteur veut aller. Donc, en termes de mécanique fictionnelle, c'est vachement intéressant. C'est pas exemple de défaut, hein, mais ça me paraît, c'est intéressant à le regarder sous cet angle-là. Je pense, de manière générale, dans un bouquin, il faut que tout le monde ait son agentivité, ton antagoniste, tes personnages secondaires, pour qu'il y ait une illusion de réalité, une illusion de vie, qui est ce que, en dehors de briser le rêve fictionnel, la littérature cherche à faire. Il faut que tout le monde soit crédible. Et notamment, le fait de faire ça permet d'éviter le syndrome que moi, j'aime pas trop en lecture, et donc tu as tendance à écrire ce que tu as envie de lire ou à éviter ce que tu veux pas lire, c'est le syndrome de l'immunité scénaristique. Bon, si t'as un MJ pas trop salaud, tu essaies de te débrouiller pour que tes joueurs meurent pas sur un coup de dé, quoi. Donc si tu penses en ce terme là, bah il va pas y avoir un personnage important qui peut avoir une mort conne. C'est important, je pense, dans la fiction, notamment avec le tour que la fiction, la littérature de l'imaginaire prend depuis 20-30 ans, je dirais. L'immunité scénaristique, les lecteurs n'aiment pas ça. Moi, je sais que j'aime pas ça, donc j'ai tendance à éviter de le faire, ou alors à jouer justement avec ce genre de truc. Mais donc, je pense qu'il faut éviter cette distinction. Si tu joues et que tes PNJ et tes PJ ont la même agentivité, et c'est très bien. Mais si c'est pas le cas, il faut éviter de le faire, à mon avis, dans les bouquins. Il faut éviter au maximum. Il faut que tous les personnages... parce que la tension narrative, l'enjeu, c'est ce qui motive le lecteur à continuer à lire. Donc, si on sent à travers les lignes que t'as un petit peu des favoris, ou que même t'as pas forcément un favori, mais qu'il y a un personnage dont t'as besoin pour que ton histoire elle tienne debout, toute forme d'enjeu ayant trait à ce personnage va forcément se casser la gueule. Tu as un personnage, tu narres à la première personne, il va faire un truc complètement débile et hyper dangereux à la page 50, et il reste 800 pages à ton bouquin. Quelque part, on sait bien que ça va bien se passer. Ou alors, à ce moment-là, super, tu sors un sacré lapin de ton chapeau, à la page 60, il meurt et tu changes de narrateur. Ouais, là c'est cool. Donc, il ne faut pas faire des choses, mais c'est des trucs, c'est des codes et des attentes qui sont importantes à garder en tête pour savoir ensuite ce qu'on fait, puisque l'écriture, c'est beaucoup jouer, manipuler aussi, mais de façon bienveillante, parce que le lecteur est consentant, il aime ça, ou de jouer avec les attentes, avec les codes, c'est pour ça que c'est intéressant de les connaître, pour savoir quand est-ce que tu vas les bafouer, quand est-ce que tu vas aller contre, quand est-ce que tu vas les suivre, mais avec un twist qui va faire que ça va donner un tour nouveau aux choses, etc. Alors, est-ce que tu pourrais juste nous donner une petite définition d'agentivité ? Oh la vache, je vais me faire... tu me fais entrer dans un territoire dangereux. C'est bon, Manuel, notre pro-GDR n'est pas présent, donc tu peux dire ce que tu veux. Alors moi, je le vois vraiment du côté plus de l'écriture, même si je joue beaucoup moins maintenant qu'à une époque. Donc je le vois vraiment plus du côté de l'écriture. Mais moi, la manière dont je le vois, c'est la version plus du libre-arbitre. Le libre-arbitre dans une... C'est-à-dire pour moi, c'est le libre-arbitre, mais avec un soin très conscient apporté à cette notion. C'est-à-dire que un personnage... Tu peux avoir, c'est notamment important pour un auteur, à mon avis, qui planifie à l'avance. Un personnage, tu peux avoir un peu réfléchi à son trajet, à son parcours, même s'il y a forcément des surprises en cours de route. Tu peux avoir construit ton histoire de manière symbiotique, je dirais, avec ton projet d'écriture. Tu vas avoir conçu ton personnage de manière à ce qu'il aille à peu près dans l'histoire, dans le chemin de ton histoire, et tu vas avoir conçu ton histoire de manière à ce qu'elle épouse bien ton personnage, sachant que tout ça est un phénomène qui se nourrit mutuellement et que tu découvres réellement finalement à l'écriture. L'agentivité, pour moi, c'est vraiment justement, une fois que tu as plus ou moins tracé ton chemin, l'agentivité, c'est prendre en compte que le personnage parce que tu cherches à lui donner une vie humaine, il va faire tout ce qu'il va pouvoir pour casser le moule dans lequel tu essaies de le faire rentrer. Et c'est accepter de le faire. Et c'est accepter de le suivre. Justement pour, encore une fois, je pense que c'est vraiment une notion qui intéressera plus les personnages, les auteurs pardon, qui planifient à l'avance, ce qui est mon cas. Ce chemin que tu as tracé, il va être fait ensuite pour être brisé constamment par le suivi de tes personnages. Et parce qu'ils vont avoir envie de faire. Et c'est là que l'écriture est angoissante quand tu as tendance à planifier, parce que ça veut dire que finalement ton filet de sûreté il tient plus. Mais c'est aussi là qu'elle est intéressante et chouette, parce que tes personnages vont te servir à des trucs que tu n'as pas imaginé. Un auteur qui écrit au fil de la plume et qui prévoit rien, en fait, qui découvre au fur et à mesure, il se base sur cette notion-là, puisque par définition, c'est ce qui lui permet d'avancer. Donc. Voilà, pour moi, c'est vraiment, je vais sortir encore des mots-clés, quoi. Pour moi, c'est le libre arbitre en pleine conscience. C'est vraiment prendre soin du et respecter la décision du personnage comme agent de sa propre histoire et agent de l'histoire, quitte à éventuellement tout balancer aux orties. Et ça nécessite une certaine confiance en soi, parce que ça veut dire des fois jouer sans filet, des fois ton personnage va faire tiens regarde ton édifice je vais tout casser et tu vas pas finir les trucs là où tu voulais. Dans le jeu de rôle, c'est le jeu, ça fait partie, c'est substantiel de l'expérience, puisque c'est un truc collaboratif. Dans l'écriture, tu crois que tu contrôles les trucs, mais en fait quelque part il ne faut surtout pas, parce que c'est justement dans ce danger-là, danger qu'on retrouve en improvisation théâtrale d'ailleurs, si je pourrais partir là-dessus, mais très rapidement, je crois qu'il s'appelle Robert de son prénom, mais Gravel, hein, qui a théorisé l'improvisation théâtrale dans les fins des années 70, je crois, au Québec, parle de la mise en danger et de la disponibilité dans l'improvisation théâtrale, qui est un jeu aussi, hein, d'ailleurs, quelque part, qui est une forme de jeu narratif. Je sais pas si vous avez déjà vu un match d'improvisation, mais on parle de la patinoire. Donc parce que voilà, c'est québécois et donc il y a énormément de choses qui dérivent du hockey sur glace. Et notamment la scène, c'est pas une scène, c'est une patinoire, donc c'est un espèce de muret qui entoure l'espace de jeu, qui rappelle hein, les vitres du hockey sur glace. Et donc ça arrive à peu près à la taille des joueurs. Et d'ailleurs on parle pas d'acteurs en improvisation, on parle de joueurs. Donc c'est quelque chose qui est finalement extrêmement handicapant quelque part, parce que ça veut dire qu'on se prive d'une moitié de la silhouette, et donc ça veut dire qu'on se prive d'une certaine partie du langage corporel. Mais Gravel le dit en disant que tout l'intérêt de l'improvisation est basé sur la mise en danger, en fait. Avoir ces handicaps-là, ces handicaps de jeu, poussent le joueur à aller sortir de sa zone de confort, et c'est là qu'il va sortir des choses intéressantes. Et le jeu de rôle, pour moi, c'est la même chose. Et l'écriture, c'est la même chose. C'est toujours la recherche de cette mise en danger subtile. Et le fait de vraiment se concentrer sur l'agentivité, pour moi, est une façon, justement, de sortir de sa zone de confort. Et c'est là qu'on va chercher des trucs intéressants, et c'est là qu'on va déverrouiller l'inconscient. Tu évoquais tout à l'heure, quand tu te présentais, le fait que tu as aussi participé à l'écriture de jeux de rôle. Est-ce que tu peux... On va commencer par les profondes différences qu'il peut y avoir entre écrire un roman et écrire un jeu de rôle. Alors pour moi, à la base, et c'est un truc qui s'applique aussi aux jeux vidéo, et c'est un de mes chevaux de bataille, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait partie de mes chevaux de bataille, c'est que le jeu de rôle, c'est un jeu avant toute chose. C'est-à-dire, c'est une expérience ludique, et pour moi, ça se rapproche du jeu vidéo dans le fait que sur un aspect qui est que tous les composants, ce soit les règles, l'univers, la narration et les gens qui se retrouvent autour de la table, bien sûr, tout ça converge, tout ça se nourrit mutuellement et s'appuie mutuellement pour créer une expérience. Le jeu vidéo, c'est la même chose. J'étais invité à un atelier d'une chaîne de télé, ça parlait de narration, et ce qu'on m'avait demandé, on m'avait dit, est-ce que vous voulez venir voilà, c'est un truc une demi-heure, est-ce que vous voulez venir parler de la narration dans le jeu vidéo ? Et j'ai passé une demi-heure à leur dire que le jeu vidéo n'est pas un art narratif. Le jeu vidéo peut être un art narratif, mais pour moi, c'est une des grandes incompréhensions sur le média aujourd'hui, c'est qu'on le voit ça comme le nouveau cinéma ou la nouvelle manière de raconter des histoires. Non, c'est un jeu avant toute chose. Alors oui, ça raconte quelque chose. Ça peut raconter une histoire, mais ça le fait souvent. Mais souvent, avant toute chose, c'est un jeu. Le fait, j'en veux pour exemple, que si je prends toute la série d'Assassin's Creed, ils racontent tous une histoire dans des univers qui sont totalement différents, mais ça reste un Assassin's Creed. Ce qui fait le cœur de l'expérience, ça reste le gameplay du monde ouvert, la furtivité, tous ces trucs-là. Donc, et pour moi, le jeu de rôle, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut le voir comme une expérience. Et dans toute écriture de jeu, à mon sens, le principe qui est souverain, c'est, faute de meilleurs termes, c'est le gameplay, et de manière plus vaste, c'est l'expérience. Donc quand tu crées un jeu de rôle, pour moi, avant toute chose, tu te dis, quelle est l'expérience que je cherche à fournir et à créer ? Est-ce que je veux un truc, pour prendre les grandes les catégories les plus simples, est-ce que je veux un truc très pulp, très orienté action cinématographique, où ça pète partout, et à ce moment-là, j'écris par exemple Feng Shui, où en gros, plus c'est graphique et plus c'est et plus une action de combat est graphique, plus c'est facile quelque part parce que c'est spectaculaire, etc. Dans Feng Shui, on te recommande expressément, par exemple, parce que c'est donc pour ceux qui est juste, je me rends compte, là encore, peut-être j'accuse mon âge, mais pour ceux qui connaissent pas Feng Shui, c'est le jeu de rôle du film de Hong Kong, pour simplifier. Donc, en gros, le but c'est quoi ? C'est typiquement c'est de faire de la scène d'action qui claque. Donc, t'agis 15 fois par round, enfin voilà. Et dans les conseils de maîtrise de Feng Shui, c'est très expressément dit, ne faites pas de cartes. Ne faites pas de cartes parce que ça enferme la créativité des joueurs et il s'agit de faire de l'action qui claque. Donc, dites dans le scénar d'intro, par exemple, dans la toute première scène d'action, je spoil pas trop, elle se passe dans un restaurant. Et on vous dit quoi ? On vous dit, il y a un grand aquarium avec des crustacés dedans, donc on peut, et voilà, il y a un ennemi qui peut finir la tête dedans, en plus il y a l'eau qui peut se répandre partout, il y a évidemment plein d'assiettes, etc. Alors par contre, ce que ferait par exemple D&D, combien il y a de tables dans le restaurant ? Réponse, on s'en tape. On s'en tape parce que si un joueur dit, ah j'ai une super idée, je vais prendre, est-ce qu'il y a une table à côté de moi où je peux la casser sur la tête d'un mec ? La réponse du MJ dans Feng Shui par défaut, c'est oui parce que c'est fun. À l'opposé, on a D&D par exemple, où là, D&D, si on joue en version, si on se cale sur les racines wargame de D&D, on a les figurines, les carrés. Est-ce que je peux attaquer là ? Non, parce que c'est à 4 carrés, alors que tu peux tirer à 3, quoi. Donc, mais c'est pas le même genre d'expérience, c'est tout. Donc, le cœur de ça, c'est quelle est l'expérience que je veux créer de manière holistique avec la convergence de tous ces éléments-là. Quand tu crées un... Et l'univers va venir nourrir tout ça, mais tout est sacrifiable, pour moi, dans un jeu sur l'autel de l'expérience, de manière totale. Dans la littérature, déjà, t'es tout seul, donc t'es beaucoup plus en contrôle, même si, en fait, c'est ton inconscient qui écrit et que tu n'es que le vecteur de quelque chose qui te dépasse. Mais, globalement, c'est toi qui gères. Donc, t'as plus la place de gérer les trucs. Tu es aussi... Ton but est aussi de créer une expérience, quelque part, parce que la littérature, le but, c'est de créer des émotions, en utilisant les mots comme support. C'est de créer voilà, l'histoire doit te faire ressentir quelque chose, parce que si tu t'intéresses à l'histoire, bah, le but, c'est que t'éprouves des trucs, qu'éventuellement, ça te fasse réfléchir, poser des questions, etc. Mais globalement, cette expérience est beaucoup plus, unitaire, faute de meilleurs termes, parce qu'elle se base sur un seul et unique média, même s'il y a des expériences de narration diverses et variées, mais comme le livre augmenté, etc., qui sont des trucs personnellement auxquels je crois pas beaucoup. Mais, donc, c'est beaucoup plus... C'est une expérience, et c'est pas du tout une comparaison de jugement, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est une expérience qui est beaucoup plus linéaire, qui s'absorbe, et tu peux aller beaucoup plus, comme elle est linéaire et comme le but là c'est vraiment l'histoire, tu peux aller beaucoup plus dans, beaucoup plus facilement, pas beaucoup plus, mais plus facilement dans la subtilité que ce que tu ne peux faire en jeu de rôle, parce que il y a des moments de subtilité, des moments de grâce bien sûr, mais il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et dans le jeu vidéo, c'est la même chose, mais si tu cherches à créer une expérience subtile, tu dois faire en sorte que tous les éléments se nourrissent les uns des autres, et tu dois par exemple établir une grammaire de gameplay particulière pour traiter un problème donné ou une question donnée. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des moments de grâce. Je pense à ce moment dans Final Fantasy VII qui a probablement fait pleurer des générations de gamers, moi le premier. Mais voilà, le jeu pour moi est vraiment une question d'émergence de mélange de plein d'éléments, alors que l'écriture est beaucoup plus allée en profondeur sur une dimension de l'expérience. Tu l'as dit au début, t'échanges beaucoup sur ta pratique de l'écriture, sur les méthodes et les codes que tu peux y trouver. Est-ce que cette réflexion-là, tu l'apportes aussi à ta pratique du jeu de rôle et du jeu en général ? Alors, honnêtement, je pratique moins jeu de rôle, surtout moins en ce moment, et puis dans le jeu vidéo, là, en ce moment. Enfin, j'ai surtout travaillé il y a deux ans à Psycho Starship Rampage, donc bon, il y a d'autres projets dans les tuyaux, mais pour l'instant c'est plus à du long terme. Donc ma perspective est forcément un peu distordue, parce que je dirais je suis vraiment plus concentré sur l'écriture, donc c'est là que je vais avoir le plus de recul. Cela dit, oui, je suis convaincu que toute discipline de création a des codes, des qui ne sont pas des règles, mais l'intérêt de connaître les codes, il y a une expression, une anecdote que je sors tout le temps parce que j'adore. Il y a quelques années, avec Jean-Claude Duniac et Elisabeth von Arburg, qui soit dit en passant, a écrit un des meilleurs bouquins sur la technique d'écriture qui s'appelle « Comment écrire des histoires ». On a peu de bouquins de techniques littéraires en français, et on a de la chance, celui-là, et en plus, c'est un des meilleurs. Elle disait, parlait de ces auteurs qui ne veulent pas lire par peur de se polluer ou de s'influencer, parce qu'ils veulent faire des choses complètement nouvelles. Et elle disait, c'est une ambition louable de vouloir faire des choses nouvelles, tout à fait. Mais, et elle a cette expression qui me réjouit, si on veut faire péter la maison, c'est bien de savoir où placer les charges. Et les codes, c'est ça. C'est-à-dire savoir où est-ce que tu mènes ton lecteur ou ton public, pour éventuellement tirer le tapis sous ses pieds. Et dans toute discipline de création, dans le jeu de rôle, dans le jeu vidéo, connaître les codes aide, bien sûr, pour simplement comprendre ce que tu fais. Savoir quand tu joues dans le courant ou quand tu joues à contre-courant, et du coup le faire à bon escient. C'est pour ménager ce qu'on appelle, dans l'écriture notamment, ménager tes effets, en fait. Et savoir également essayer de comprendre le genre de, alors évidemment c'est pas des catégories exactes, mais comprendre le genre de d'œuvre au sens large que tu fais, et dans quoi ça va s'inscrire. Il ne s'agit pas de catégoriser, mais d'avoir une espèce de vague idée de quel serait ton public idéal, à qui t'aimerais toucher. Donc pour moi, ces réflexions-là, elles sont toujours utiles, et c'est pour ça que dans le jeu, je travaille avec Ballistic Frogs, hein, donc Studio René qui a fait Psycho Starship Rampage. Et bon, on est toute petite équipe, hein, 4, mais on a à peu près la même vision tous, c'est que c'est gameplay first. C'est vraiment le gameplay et la manière de faire des jeux, c'est des choses qui s'étudient de plus en plus, d'ailleurs, et de façon parfois très, très pointue. La bonne manière, par exemple, un truc tout bête, comment tu vas protéger le joueur de lui-même. S'il y a un truc que tu veux pas que le joueur fasse ou qui va être frustrant, comment est-ce que tu vas essayer de le récompenser, non pas le canaliser, parce que ça c'est frustrant aussi, en lui mettant un gros panneau sans interdit, il faut pas aller par là. L'exemple typique, c'est le mur invisible. Dans un open world, par exemple, c'est hyper frustrant. Tu peux voir plus loin, mais tu peux pas y aller. Une manière toute simple et voilà, qui est très qui est très connue, c'est d'inciter plutôt que de punir, par exemple. C'est si tu veux que le joueur aille dans un sens, tu vas lui mettre un truc brillant, tu vas lui mettre une récompense, tu vas l'inciter à aller dans le sens où tu veux qu'il aille, et tu vas le récompenser en le faisant. Et il n'y a pas besoin d'avoir du texte de tutoriel. Les meilleurs jeux font ça de manière totalement. Alors le jeu vidéo est bourré d'anglicisme, de manière seamless, c'est-à-dire sans rupture, de manière très douce. Tu t'es même pas rendu compte qu'en fait on te guidait, mais t'es guidé de manière positive. Ça c'est un truc de base. Hein. Donc ces choses-là. Comprendre ce qu'on fait, pour moi, c'est toujours très intéressant, et je dirais c'est presque indispensable. Souvent, on entend le discours de « Ah oui, mais quelle est la place de l'inspiration ? Quelle est la place du merveilleux moment qui te frappe ?» Et à ce moment-là, tu as une idée géniale. Moi, j'ai tendance à considérer que quand on connaît les règles du jeu créatif, eh ben, justement, ça donne d'autant plus de liberté. C'est, ça n'est jamais plus qu'une boîte à outils. C'est donc du coup, au lieu d'être coincé avec un marteau pour rentrer une vis dans mon mur, ça a marché. Hein. Mais si j'avais des meilleurs outils, je pourrais faire quelque chose de vachement plus joli, de vachement plus sympa, parce que je comprends ce que je fais. Et pour pour se concentrer sur le héros, tu as déjà en partie répondu à la question, mais j'aimerais t'entendre un petit peu plus sur ce sujet-là. Les qualités d'un héros en littérature de l'imaginaire, est-ce que ce sera les mêmes que les qualités d'un personnage type dans un GDR ? Ah, alors ça c'est une vaste question parce que le terme de héros déjà il a deux sens. Le premier c'est le héros au sens mythologique du terme, c'est-à-dire c'est le personnage central. À qui l'on confie la quête avec une majuscule et qui va affronter les épreuves pour sauver le monde, typiquement. Donc, alors tu dis Frodon, mais on pourrait en discuter. Frodon n'est pas forcément un héros. Frodon n'est pas Hercule, justement, c'est ça qui le rend intéressant d'ailleurs. Donc il y a cette fonction très très archétypale du héros comme triomphateur. Et puis, il y a la version plus générique qu'on a de nos jours, qui est le héros comme protagoniste. C'est-à-dire, c'est le protagoniste... moi, je ne suis pas très fan du terme héros, notamment en littérature moderne, parce que, pour moi, le héros charrie, et parce que c'est son rôle archétypal, il charrie cette image de réussite. Alors que ce qui est intéressant, pour moi, notamment dans la narration moderne, c'est justement le côté faillible et c'est ce que dans les tendances dans lesquelles on est, c'est-à-dire, et justement c'est la faillibilité qui crée l'humanité. Donc je préfère largement le terme de protagoniste, c'est-à-dire dans un récit il y a un élan, il y a une volonté, il y a un ou x type qui cherche à faire un truc, c'est compliqué, c'est pour ça que ça fait une histoire, c'est important, c'est pour ça que ça nous intéresse, et donc ils ont un élan, et protagoniste c'est justement, pro c'est l'élan, c'est les types du côté duquel on est. C'est ce dont on a le point de vue. Et puis, il y a l'antagoniste qui est en face, qui n'est pas d'accord. Ou les antagonismes, si je fais un récit d'exploration dans la forêt vierge, y a pas, la forêt n'est pas nécessairement d'accord, mais elle est là, elle nous embête. Donc, il y a déjà ces deux versions. Dans le JDR classique, alors moins dans les expériences narrativistes qui se rapprochent plus de la littérature, justement, avec ce côté faillible, potentiellement en demi-teinte. Je pense notamment à des JDR comme Notre Tombeau, par exemple, qui sont puissamment en demi-teinte. J'en dis rien parce que, mais il faut, c'est une expérience intéressante à vivre. Alors j'ai oublié ce que j'allais dire. Je suis désolé. Mince. Oui. Donc, dans le jeu de rôle classique, la D&D ou ce genre de choses. Même si on peut introduire la nuance toujours, bien sûr, mais il y a quand même plus l'idée un peu cinématographique, un peu le héros, c'est-à-dire c'est nous qu'on est les gens les plus importants dans l'histoire. Et c'est normal, parce que c'est un jeu. Et on joue avec des types autour d'une table, des types et des nanas autour d'une table, et c'est ces gens-là qui veulent être typiquement les héros de l'histoire, ou en tout cas les gens les plus importants, parce que c'est eux qui sont acteurs, et c'est normal. Donc, ce côté-là, dans l'expérience, doit être pris en compte, alors que c'est pas du tout nécessaire dans la littérature. On peut avoir, hein, notamment dans l'imaginaire, c'est assez fréquent qu'on retrouve le groupe de personnages qui va agir, qui va être le groupe protagoniste, mais c'est pas du tout une obligation dans la narration romanesque. Donc c'est pour ça que si on prend le héros au terme de l'acception moderne, je vois plus le protagoniste. Pour moi, le héros de roman est plus un ou des protagonistes, alors que le groupe de jeu de rôle est plus le héros ou héroïne au sens plus fonction mythologique du terme. évidemment, si on reste dans, si on va pas dans les expériences narrativistes où ça peut se passer mal. Alors du coup, on arrive à la fin de notre épisode. Donc merci Lionel d'avoir participé à cet épisode de Ludologie. Et on a toujours une question type qu'on pose. On pose la même à tout le monde et on prévient pas qu'on a une question type. C'est fait exprès. Voilà. Pour les gens par surprise. J'ai laissé Corentin la poser. Moi aussi, j'ai été pris par surprise. Quel est ton premier souvenir de jeu, Lionel ? Oh la vache ! Bon, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'était super et j'ai pas vu le temps passer. J'espère que vous non plus. Le premier souvenir de jeu, le premier truc qui me vient en tête, parce que ça a eu un fort effet sur moi quand j'étais môme, c'est probablement pas le premier souvenir de jeu. Si je fouillais, je devrais trouver autre chose. Mais le truc qui m'a le plus marqué, je pense que j'avais 7 ans, c'est Ultima 5 sur Apple IIc. Donc jeu de rôle à l'ancienne. J'avais 7 ans et c'était comme tous les Ultima, c'était écrit en anglais mais genre un peu en vieil anglais avec des thou, etc. Donc j'avais un peu commencé l'anglais, mais alors je pense que le vieux saxon c'était quand même au-dessus de mes forces à 7 piges. Et il y avait une ambiance absolument incroyable dans ce jeu, vraiment, enfin, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ça ferait marrer, hein. Mais bon, c'était du gros pixel, c'était du monochrome, il y avait une langue que je comprenais pas, je comprenais pas grand-chose à ce que je faisais d'ailleurs, je l'ai jamais fini parce que je savais pas je savais pas très bien comment ça marchait, et je procédais vraiment par essai-erreur, mais il y avait une ambiance de fou dans ce jeu, et qui m'a puissamment, qui m'a vraiment beaucoup marqué, presque comme au terme de l'ambiance, et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'impact d'un jeu de ce genre-là sur un gamin de 7 ans, voilà. Mais ça m'a vraiment fait le même effet que quand j'ai découvert Lovecraft à 13-14 ans à peu près. Ce côté incompréhensible, indicible, et alors que c'est très certainement la fantasy, tout ce qui est de plus inoffensif. Mais en tout cas, à l'âge que j'avais, ça m'avait vraiment beaucoup impressionné. Il y avait une ambiance sonore qui était forcément très stridente parce que c'était le haut-parleur de l'Apple II, hein, donc c'était pas voilà. Et c'était vraiment. Je pense que ça, je sais pas, peut-être inconsciemment, ça m'a. C'est peut-être même d'ailleurs, c'était mon premier vrai contact avec la fantasy d'ailleurs. Et que ça m'a influencé peut-être plus tard. Je sais pas, ça ce serait mon psy de le dire. Merci encore d'avoir participé à cet épisode de Ludologie. Du coup, nous, on va se retrouver, alors peut-être dans 15 jours, on va voir. Normalement, le prochain épisode devrait être le 23 décembre. C'est possible qu'on ne le diffuse que le 30, ça va dépendre de votre participation à l'épisode de Noël. Donc, soyez, vous avez déjà été quelques-uns et quelques-unes à nous contacter. Merci beaucoup déjà à ceux-là et à celles-là. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur notre adresse mail. À propos de réseaux sociaux, c'est aussi l'occasion de faire un merci de la part de l'équipe qui est au micro, à Simon, qui est notre membre un peu invisible de l'équipe. Vous le retrouvez, c'est lui qui vous met des super gifs sur Twitter et Facebook. Et un gros merci à lui parce que personne ne l'entend, mais il fait un gros boulot derrière et il nous aide beaucoup. Donc en tout cas, merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. Et à bientôt dans Ludologie, et d'ici là, n'oubliez pas de jouer.